Chapitre deuxième. Le lendemain même, Maître Campbell, tout joyeux, demandait Lupin au parloir des avocats. C'était un homme âgé, qui portait des lunettes dont les verres très grossissants lui faisaient des yeux énormes. Il posa son chapeau sur la table, étala sa serviette, et adressa tout de suite une série de questions qu'il avait préparées soigneusement. Lupin y répondit avec une extrême complaisance, se perdant même en une infinité de détails que Maître Campbell notait aussitôt sur des fiches épinglées les unes au-dessus des autres. « Et alors, reprenait l'avocat, la tête penchée sur le papier, vous dites qu'à cette époque... »« Je dis qu'à cette époque, répliquait Lupin, insensiblement, par petits gestes tout naturels, il s'était accoudé à la table. Il baissa le bras peu à peu, glissa la main sous le chapeau de Maître Campbell, introduisit son doigt à l'intérieur du cuir et saisit une de ces bandes de papier pliées en long que l'on insère entre le cuir et la doublure quand le chapeau est trop grand. Il déplia le papier, c'était un message de Doudeville rédigé en signes convenus. « Je suis engagé comme valet de chambre chez Maître Campbell. Vous pouvez sans crainte me répondre par la même voie. » C'est LM, l'assassin, qui a dénoncé le truc des enveloppes. Heureusement que vous aviez prévu le coup. Suivait un compte-rendu minutieux de tous les faits et commentaires suscités par les divulgations de Lupin. Lupin sortit de sa poche une bande de papier analogue contenant ses instructions, la substitua doucement à l'autre et ramena sa main vers lui. Le tour était joué. Et la correspondance de Lupin avec le grand journal reprit sans plus tarder. « Je m'excuse auprès du public d'avoir manqué à ma promesse. Le service postal de Santé Palace est déplorable. » D'ailleurs, nous touchons au terme. J'ai en main tous les documents qui établissent la vérité sur des bases indiscutables. J'attendrai pour les publier. Qu'on sache néanmoins ceci. Parmi les lettres, il en est qui furent adressées au chancelier par celui qui se déclarait alors son élève et son admirateur, et qui devait, plusieurs années après, se débarrasser de ce tuteur gênant et gouverner par lui-même. Me fais-je suffisamment comprendre ? Et le lendemain, ces lettres furent écrites pendant la maladie du dernier empereur. Est-ce assez dire toute leur importance? 4 jours de silence, et puis cette dernière note, dont on n'a pas oublié le retentissement. Mon enquête est finie. Maintenant, je connais tout. À force de réfléchir, j'ai deviné le secret de la cachette. Mes amis vont se rendre à Beldens, et malgré tous les obstacles, pénétreront dans le château par une issue que je leur indique. Les journaux publieront alors la photographie de ces lettres, dont je connais déjà la teneur, mais que je veux reproduire dans leur texte intégral. Cette publication certaine, inéluctable, aura lieu dans 2 semaines, jour pour jour, le 22 août prochain. D'ici là, je me tais et j'attends. Les communications au grand journal furent en effet interrompues, mais Lupin ne cessa point de correspondre avec ses amis par la voix du chapeau, comme il disait entre eux. C'était si simple. Aucun danger. Qui pourrait jamais pressentir que le chapeau de Maître Campbell servait à Lupin de boîte aux lettres? Tous les 2 ou 3 matins, à chaque visite, le célèbre avocat apportait fidèlement le courrier de son client, lettre de Paris, lettre de province, lettre d'Allemagne, tout cela réduit, condensé par Doudeville, en formules brèves et en langage chiffré. Et 1 heure après, Maître Campbell remportait gravement les ordres de Lupin. Or, un jour, le directeur de la santé reçut un message téléphonique signé L.M., l'avisant que Maître Campbell devait, selon toute probabilité, servir à Lupin de facteur inconscient et qu'il aurait intérêt à surveiller les visites du bonhomme. Le directeur avertit Maître Campbell, qui résolut alors de se faire accompagner par son secrétaire. Ainsi, cette fois encore, malgré tous les efforts de Lupin, malgré sa fécondité d'invention, malgré les miracles d'ingéniosité qu'il renouvelait après chaque défaite, une fois encore, Lupin se trouvait séparé du monde extérieur par le génie infernal de son formidable adversaire. Et il s'en trouvait séparé à l'instant le plus critique. À la minute solennelle où, du fond de sa cellule, il jouait son dernier atout contre les forces coalisées qui l'accablaient si terriblement. Le 13 août, comme il était assis en face des 2 avocats, son attention fut attirée par un journal qui enveloppait certains papiers de Maître Campbell, comme titre en gros caractère 813. comme sous-titre « Un nouvel assassinat ». L'agitation en Allemagne, le secret d'Apoun serait-il découvert ? Lupin pâlit d'angoisse. En dessous, il avait lu ces mots « Deux dépêches sensationnelles nous arrivent en dernière heure ». On a retrouvé près d'Augsbourg le cadavre d'un vieillard égorgé d'un coup de couteau. Son identité a pu être établie, c'est le sieur Steinweg dont il a été question dans l'affaire Kesselbach. D'autre part, on nous télégraphie que le fameux détective anglais, Herlock Sholmes, a été mandaté en toute hâte à Cologne. Il s'y rencontrera avec l'empereur, et de là, ils se rendront tous deux au château de Veldenz. Herlock Sholmes aurait pris l'engagement de découvrir le secret de Lapoun. S'il réussit, ce sera l'avortement impitoyable de l'incompréhensible campagne qu'Arsène Lupin mène depuis un mois de si étranges façons.